Retnik. This is a Chucky Beat production. Concentré sur le mic, désolé si je te laisse, des dommages collatéraux. Je fais de la musique toute la night et je calcule pas tous ces blaireaux. Bienvenue dans mon univers, même les gueules dents, je te la mets à l'envers. Y'a pas de marche arrière, hein, y'a pas de marche arrière. Les choses se passent dans le plus grand des calmes. Et si tu parles, ça finit en drame. Dans la tête de certains, c'est le vacarme. C'est dans le Val d'Oise que tu vas verser tes larmes. Y'a pas de marche arrière, ah ouais, y'a pas de marche arrière. Alors, je peux être vraiment fou, comme vous avez pu l'entendre, comme je peux être aussi vraiment posé. Et là, place à la version posée. À chacun de mes débordements, ma conscience me disait non, ça sert à rien, vas-y calmement. Mais emporté par mes sentiments, si je m'écoutais, ma haine serait sortie depuis bien longtemps. De toute façon, qu'est-ce que l'homme pour que j'y prête attention? La raison est propre à chacun, il y a mille et une réponse à une seule question. Pour t'en sortir, je te souhaite bon courage. Y'a pas forcément du beau temps après l'orage. C'est quand t'auras bousillé tes cartilages, on te dira c'est bien que tu peux profiter, même si tu peux plus faire grand chose. Vu ton âge, le système est comme ça. Yo, j'ai pas été créé pour que tu m'apprécies. Je retranscris les choses de façon manuscrite, en scrutant l'horizon. Loin de l'être humain qui est un poison. Action sans vérité, c'est comme ça que les petits veulent se faire respecter. J'ai déjà fait le tour de ce que je voulais voir. Tu peux mentir aux autres, mais pas à ton reflet dans le miroir. Tiré dans le mille, les vertus se diluent et s'effritent dans la boisson ou bien dans le shit. Ceux qui sniffent deviennent agressifs. Perso, c'est des instrus qui frappent mon esprit, dont je suis addictif. Je me prends pas la tête, pacifique ne veut pas dire passif. Je suis qu'un homme avec une vieille nature, un mal honnête, yo. On est toujours en dictature, même si t'as du mal à le reconnaître, yo. On arrive au point de rupture, je te livre ces vers avant de disparaître. J'ai peur de cette foutue planète, elle veut voir mon sale côté transparaître. L'ivresse effrénée du manque de blé nous fait dériver. Les hauts placés sont mal placés pour nous faire la morale. Et je finis comme ça, on avance dans le mauvais sens.